feu de la méprise, souvent crétin et parfois tendre. J'entretiens ce feu et m'y jette lorsque la société l'attise. Refusant les bornes de toute logique, je vocifère des mots qui piquent ou des mots tout doux. Je propose mes textes comme projet pédagogique. Y'a d'air qui veut, après tout je m'en fous. Ce mix incertain d'incertain TMX, un mec un peu crétin qui met un point d'honneur à faire du yo-yo avec des zygomatiques, mais qui croit dur comme fer à une métallurgie tragique. Mes rives d'acier forgées dans l'alliage de mon cœur. Ah, ça c'est beau. C'est beau, tiens. Comme tu Yannick Noah. Que de combler un vide. Je ne suis pas Michael Jackson, mais juste TMX David. Je veux être utile, à vivre et à aimer. Je veux être utile et dépanner comme un sextoy. L'amateurisme est le gage de ma liberté. La liberté d'être kitsch, crade, un destroy. La belle affaire, rien à faire des labels. Creative Commons protège mes beats comme un condom protège ma bite. Oups, je dérape encore et je surenchéris afin de donner un sens au parental advisory. À la supercherie, qu'à travers mes albums je sème, faisant fi du diktat imposé par l'assassin. Mais tant que la bouche me pique, je sais.